Nous étions arrêtés pour délibérer lorsque nous entendîmes du bruit derrière nous. Aussitôt, nous voulons fuir, mais il n'y avait pas possibilité, car la grande quantité de neige des deux côtés du chemin nous empêchait d'entrer dans les terres. Notre position devenait critique, et je n'osais communiquer à mon frère les sensations que j'éprouvais, plus pour lui que pour moi, à cause de sa blessure. Nous allions continuer à marcher droit devant nous, lorsque nous aperçûmes ceux qui nous avaient causé tant de frayeur. Ils n'étaient qu'à quelques pas de nous. Ils s'arrêtèrent en nous criant en allemand « Bonsoir, ami Cosaque !»« Attention, dis-je à mon frère, tu es Cosaque et moi je suis ton prisonnier. Tu parles un peu allemand, ainsi du sang-froid. » Comme il avait sur la tête un mauvais bonnet de police, je le changeai contre le mien, qui ressemblait à celui d'un Cosaque. Nous reconnûmes ces paysans pour ceux que nous avions vus un instant avant sur la route, autour du caisson. Ils étaient quatre, et traînaient avec des cordes deux des roues qu'ils avaient enlevées. Mon frère leur demanda s'il y avait des camarades Cosaques dans le village. Ils lui dirent que non. Alors, dit-il, conduisez-moi chez le bourgmestre, car j'ai froid et faim. Puis je suis blessé et obligé de conduire ce prisonnier français. Alors il y en eut un qui nous dit que depuis le matin, ils attendaient le Cosaque, et qu'ils auraient bien fait d'arriver, car plus de 30 Français avaient logé la nuit dernière, et on les avait presque tous désarmés au moment de leur départ. En entendant cela, nous aurions voulu être au diable, mais dans ce moment, d'autres paysans arrivèrent, qui, en me voyant conduit par un Cosaque, me dirent des injures et me firent des menaces, qui furent réprimées par un homme âgé, que j'ai su après être un ministre protestant, curé de l'endroit. L'on nous conduisit chez le bourgmestre, qui fit beaucoup d'accueil à mon frère en lui disant qu'il logerait chez lui, et que l'on aurait soin de son cheval, mais que pour le français, il allait le faire conduire à la prison, à moins, dit-il, que vous vouliez le garder près de vous pour vous servir de domestique. « Je ne demande pas mieux, répondit mon frère, d'autant mieux que je suis blessé et que ce français est chirurgien-major. Il me pansera ma jambe. »« Chirurgien-major, reprit le bourgmestre, cela tombe, on ne peut mieux. » Car nous avons ici un brave homme du village qui a eu ce matin le bras cassé par un Français qui n'a pas voulu se laisser désarmer. Il lui arrangera son bras. L'on nous fit entrer dans une chambre bien chaude, où il y avait un lit que l'on désigna pour le Cosaque. Mais il n'en voulut pas et demanda de la paille pour lui, et aussi pour moi, qu'il fit mettre à part, afin de ne pas éveiller de soupçons. L'on nous apporta à manger du pain, du lard, de la choucroute, de la bière et du genièvre, pour le frère Cosaque. Des pommes de terre et de l'eau pour moi. Le bourgmestre fit remarquer à mon frère une certaine quantité d'armes dans un coin de la chambre. C'était celle des Français que les paysans avaient désarmés le matin, consistant en quelques pistolets, carabines, 5 à 6 fusils, autant de sabres de cavalier, ainsi que plusieurs paquets de cartouches. Pendant que nous étions en train de manger, un paysan, accompagné d'une femme, entra dans la chambre. L'homme portait un bras en écharpe. C'était l'homme au bras cassé. Il vint s'asseoir auprès de moi pour me le faire voir. Je me décidai à payer d'audace. Je demandai du linge, des bandes, des petites lattes que l'on fit avec du bois de sapin. Le bras était cassé net entre le poignet et le coude. J'avais déjà vu tant d'opérations depuis 5 ans que je ne balançais pas un instant à me mettre à l'ouvrage. Il n'y avait pas de plaie, on voyait seulement une forte rougeur. Je fis signe à un paysan de tenir le malade par les deux épaules et à la femme de tenir la main. Alors j'ajustais, je pense, assez bien l'os cassé, comme j'aurais fait d'un morceau de bois. D'abord je tâtonnais. Pendant ce temps, le diable criait et faisait de vilaines grimaces. Enfin, je lui appliquais des compresses trempées dans le schnaps, ensuite 4 lattes que je lui serrais avec des bandes de toile. Enfin, l'opération finie, il se trouva mieux et me dit que j'étais un brave homme. La femme et le bourgmestre me firent des compliments. Alors je respirais. Pour me récompenser, on me donna un grand verre de genièvre. Mais ce n'était pas tout. Le bourgmestre me fit comprendre qu'il fallait que j'aille voir une femme qui, depuis 2 jours, souffrait horriblement. C'était une jeune femme enceinte qui ne pouvait accoucher. On avait été à Covenot pour un accoucheur, mais tout était en déroute à cause des Russes et des Français, de sorte que l'on avait pu en trouver. Ordinairement, me dit-il, ce sont les vieilles femmes qui font ce service, mais il paraît que l'enfant se présente mal. Je voulus faire comprendre au bourgmestre qu'ayant perdu mes instruments de chirurgien, je ne pouvais pas opérer, que d'ailleurs je n'étais pas accoucheur, que je n'y connaissais rien. Mais je ne pus me faire comprendre, et l'on pensa qu'il y avait de ma part mauvaise volonté. Il fallut marcher. Je fus conduit par 2 paysans et 3 femmes à l'extrémité du village. Je ne sais si c'est parce que je sortais d'une chambre chaude, mais j'avais un froid de chien. Enfin, nous arrivons. On me fait entrer dans une chambre où je trouve trois vieilles femmes, que l'on aurait pu comparer aux trois parcs. Elles étaient auprès d'une jeune femme étendue sur un lit, et qui, par moments, jetait des cris bien plus forts que l'homme au bras cassé. Une des vieilles me fit approcher de la malade. Une autre leva la couverture, et une troisième la chemise. Jugez de mon embarras. Sans rien dire, je regardais les trois vieilles, afin de lire dans leurs yeux ce qu'elles voulaient que je fasse. Elles aussi attendaient, en me regardant, ce que j'allais faire. Le malade de même avait les yeux sur moi. À la fin, je compris une des vieilles qui me disait de voir si l'enfant vivait encore. Alors je me décide, et je lui pose ma large patte, froide comme la glace, sur son ventre brûlant. Le contact lui fait faire un bond, et jeter un cri à faire trembler la maison. Ce cri est suivi d'un second. Aussitôt les trois vieilles s'emparent d'elle, et en moins de 5 minutes, tout était fini. Elle venait d'accoucher d'un Prussien. Alors, tout fier de ma nouvelle cure, je me frotte les mains, et comme je savais ce que l'on faisait dans mon village, en pareille circonstance, où on lave l'enfant dans de l'eau chaude et du vin, j'en fis apporter dans une cuvette. Ensuite, je demandai du schnaps. On m'en donna une bouteille. Je la goûte plusieurs fois. Je prends un morceau de linge que je trempe dans l'eau chaude, je verse du schnaps dessus, j'applique cette compresse sur le bas-ventre de la jeune femme, qui s'en trouve très bien, et qui me remercie en me pressant la main. Je sortis escorté par les deux hommes qui m'avaient amené et par deux des vieilles duègnes. Je fus reconduit chez le bourgmestre où l'on fit mon éloge. Mon frère, le cosaque, était dans des transes, mais en me voyant, il fut rassuré. J'avais encore un blessé à panser, c'était lui. Je lui lavais la plaie avec de l'eau chaude, et je l'arrangeais avec un peu plus de connaissance. On nous laissa seuls. Lorsque nous fûmes certains que tout le monde dormait, je m'avançai du côté où étaient les armes. Je choisis deux paires de pistolets ainsi qu'un beau sabre de chasseur et deux paquets de cartouches du calibre d'un de nos pistolets, que nous prîmes la précaution de charger de suite. Les miens furent cachés en attendant le moment de notre départ. Ensuite, nous nous reposâmes. Le matin, à 6 heures, l'on nous apporta à manger. Cette fois, je fus traité comme le cosaque. Pendant que nous mangions, le bourgmestre me fit encore compliment sur mes talents. Ensuite, il me demanda si je voulais rester, qu'il me donnerait une de ses filles en mariage. Je lui dis que cela ne se pouvait pas, que j'étais déjà marié et que j'avais des enfants. Alors, dit-il en s'adressant au cosaque, de quel côté allez-vous? Je vais rejoindre mon frère et mes camarades qui suivent la route qui va à la ville. Je ne me rappelle pas son nom, mais c'est la première que je dois rencontrer sur la route. Je sais, dit le bourgmestre, c'est Villebaleine. Alors nous partirons ensemble. Je vous conduirai à une lieue d'ici, dans un endroit où vous trouverez plus de 200 cosaques, car je viens de recevoir l'ordre d'envoyer tout ce que je pourrai avoir de foin et de farine dans le village, et d'y aller de suite moi-même. Ainsi, dans une demi-heure, nous partirons. Je vais faire préparer votre cheval et le mien. À peine fut-il sorti que je mis mes pistolets à ma ceinture et au moins 30 cartouches dans mes poches. Mon frère, le cosaque, s'attacha le sabre que je lui avais choisi et mit aussi les pistolets à sa ceinture. Un instant après, on vint nous avertir que tout était disposé pour le départ. Je pris le porte-manteau du cosaque et nous sortîmes. À la poste, nous vîmes le bourgmestre en tenue de voyage. Il avait une capote brune, doublée en fine peau de mouton, bonnet fourré, bottes, idem. Son domestique avait une capote en peau de mouton. J'aidais mon frère le cosaque à monter à cheval, et pendant que j'attachais le porte-manteau, je lui dis de manière à ne pas être entendu que si l'occasion se présentait, il fallait s'emparer du cheval et de la capote du bourgmestre et de celle de son domestique, et nous en vêtir. Que par ce déguisement nous pourrions nous sauver, que dans la position où nous nous trouvions il fallait agir avec vigueur, et que c'était un coup de vie ou de mort. L'on se mit en marche, le domestique en avant comme guide, moi après, et au milieu des deux cavaliers comme prisonniers. Un peu avant la sortie du village, nous prîmes un chemin à gauche, et après un quart d'heure de marche, nous arrivâmes à l'entrée d'un petit bois de sapins. Pendant que nous le traversions, je pensais à mettre mon projet à exécution. Lorsque nous l'eûmes traversé, je regardais devant, à droite et à gauche, si je ne voyais rien qui pût nous nuire. N'apercevant rien, j'avançais du côté du bourgmestre et saisissant d'une main la bride de son cheval et lui présentant un pistolet de l'autre, je l'invitai à descendre de cheval. Il fut, comme vous le pensez, on ne peut plus surpris, et regarda le cosaque comme pour lui dire de me passer sa lance au travers du corps. Pendant ce temps, le domestique qui avait vu mon mouvement voulut se jeter sur moi, et comme il avait un gros bâton, il fit un mouvement pour m'assommer, mais sans lâcher la bride du cheval. Je le frappai d'un si grand coup de crosse de pistolet dans la poitrine que je l'envoyai tomber à quatre pas et le menaçai de le tuer s'il avait le malheur de faire un mouvement pour se relever. Pendant ce temps, mon frère observait le bourgmestre, auquel il dit qu'il fallait descendre de cheval. Mais il était tellement saisi qu'il se le fit répéter plusieurs fois. Enfin, il descendit, et je donnai sa monture à tenir à mon frère. Sans perdre de temps, j'ôtai au domestique ses bottes, sa capote et son bonnet. Alors, enlevant ma capote, mon habit et mon bonnet de police, je le lui mis sur la tête et le forçai à mettre mon habit, de sorte qu'à son tour, il avait l'air d'un prisonnier. Imaginez-vous la figure du bourgmestre en voyant son domestique habillé de la sorte. Mais ce n'était pas tout. Je dis à mon frère, qui était descendu de cheval, d'observer le domestique, pendant que je ferais changer de costume à son maître, qui, sur mon invitation et sans se faire prier, me donna sa capote, ses bottes et son bonnet. Je lui donnai en échange ma capote et le bonnet de son domestique. Ensuite, je fis mettre à mon frère la capote et les bottes de ce dernier, et lorsqu'il fut complètement habillé, à cheval et en position de garder les deux individus, à mon tour je m'habillai de la dépouille du bourgmestre. J'enfourchai la monture que mon frère tenait par la bride. Ensuite il me donna son sabre, et nous partîmes au galop, laissant nos deux Prussiens saisis et ne sachant probablement pas si mon frère était ou non un vrai cosaque. Il faut dire aussi la vérité, nous n'étions pas à notre aise, car quoique déguisés, nous avions peur de tomber entre les griffes des cosaques, dont le bourgmestre nous avait parlé avant notre départ. Après 10 minutes de marche au galop, nous arrivâmes dans un petit village, où les habitants, en nous voyant, se mirent à crier « Hurrah, hurrah, nos amis les cosaques, hurrah !» Ils nous dirent qu'au grand village, à un quart d'heure de lieue, nos camarades avaient couché et qu'ils en étaient partis afin de couper la retraite aux Français, afin qu'ils puissent atteindre le bois qui traversait la route. Ils voulurent nous faire descendre de cheval pour nous faire rafraîchir. Mais comme nous n'étions pas tranquilles, nous nous contentâmes de boire quelques verres de schnapps sans descendre. Ensuite, mon frère cria « Hurrah !» et nous partîmes en portant la bouteille de schnapps et accompagnés des « Hurrah » de toute la population. Il pouvait être 3 heures lorsque nous aperçûmes le bois devant nous, et nous n'en étions plus loin lorsque nous entendûmes la fusillade et vîmes près d'une maison située sur le bord de la route un combat entre les Français et la cavalerie russe. Ainsi les paysans ne nous avaient pas menti. C'était bien les cosaques qui voulaient couper la retraite à la colonne des traîneurs avant qu'elle pût atteindre le bois. Voyant cela, nous faisons prendre le galop à nos chevaux, et sans penser que nous ressemblons à des cosaques, nous nous postons sur la route afin de tâcher de gagner l'entrée du bois où tous les traîneurs se précipitent. Ils nous prennent pour des cosaques et accélèrent leur fuite. Les cosaques, à leur tour, nous prenant pour des leurs, pensent que nous poursuivons les Français, viennent à une douzaine pour nous soutenir et entrent avec nous dans le bois. J'avais un cosaque à ma droite et mon frère à ma gauche, tout le reste des cosaques derrière moi, dont on aurait dit que j'étais le chef. La route était à peine assez large pour que 3 cavaliers puissent marcher de front. Après avoir trotté 50 pas, nous apercevons plusieurs officiers de chez nous qui nous barrent le passage en croisant la baïonnette et en criant à ceux qui fuyaient « N'ayez pas peur de cette canaille, laissez-les avancer !» Je profite de l'occasion et ralentissant le pas de mon cheval, j'applique sur la figure du cosaque qui était à ma droite le plus fameux coup de sabre. Il fait encore un pas et s'arrête en tournant la tête de mon côté. Mais comme il voit que je me dispose à recommencer, il fait demi-tour et se sauve en beuglant. Ceux qui nous suivent en font autant, et nos chevaux font le même mouvement, de sorte que nous voilà à notre tour à la suite des cosaques qui se sauvent à tous les diables en recevant quelques coups de fusil des hommes de chez nous, dont nous faillîmes être attrapés. J'aperçois un chemin à droite. Nous y entrons, un cosaque y était déjà. En nous voyant, il ralentit le pas, s'arrête et nous parle un langage que nous ne comprenons pas. Je lui assène un violent coup de sabre sur la tête, et je crois que je l'aurais partagé en deux sans un bonnet de peau d'ours qui le coiffait. Étonné de cette manière de répondre, il se sauve, mais comme il est meilleur cavalier que nous, nous le perdons de vue. Un quart d'heure après, nous arrivons de l'autre côté du bois. Là, nous apercevons encore notre cosaque, qui en nous voyant part au galop, mais nous n'avions pas envie de le suivre. Nous côtoyons dans le bois jusqu'à son extrémité, ensuite nous le voyons jusqu'au soir, pour retrouver la vraie route. Et c'est avec bien de la peine que nous arrivons ici. Maintenant, acheva le sergent, il faut nous reposer un peu et partir, car au jour on pourrait nous donner le réveil. Alors chacun de nous s'arrangea pour prendre un peu de repos, pendant que 6 hommes de la garnison de Couvenot, 6 soldats du train bien portants, s'offrirent volontairement pour veiller, chacun à leur tour, à la porte de la grange. Il n'y avait pas une heure que nous reposions lorsque nous entendîmes crier « Qui vive ?» Un instant après, un individu entre et tombe de tout son long. Aussitôt, les hommes qui étaient le moins fatigués se levèrent pour le secourir. C'était un canonnier à pied de la garde impériale, qui s'était trouvé au bivouac où j'avais manqué rester. Il avait plus de 20 blessures sur le corps, des coups de lance et de sabre. On demanda du linge pour le panser. Je m'empressai de donner une de mes meilleures chemises provenant du commissaire des guerres. L'un des deux frères, le sergent, lui fit avaler une goutte de genièvre. Le vieux chasseur donna de la charpie qu'il tira du fond de son bonnet à poil. On finit par l'arranger tant bien que mal. Enfin, il se trouva soulagé. Heureusement, ses blessures n'étaient que sur le dos et sur la tête, quelques-unes sur le bras droit, mais les jambes étaient bonnes. Je m'approchai pour lui demander comment il se trouvait. À peine m'eut-il regardé qu'il me dit « C'est vous, sergent ? Vous avez été prudent en ne restant pas à la maison, à l'entrée du bois, ou comme moi et tant d'autres, vous vous proposiez de passer la nuit, car peut-être un quart d'heure après votre départ, plus de 400 cosaques sont arrivés. » Nous prîmes les armes pour nous défendre. Nous étions dans ce moment environ 100. Voyant que nous étions disposés à les recevoir, ils s'arrêtent. Quelques-uns se détachèrent, ayant à leur tête un officier, qui vint nous dire en bon français de nous rendre. Mais un vieux chasseur à pied de la garde nommé Michaud, celui qui s'était disputé avec la vieille cantinière, sortit des rangs, et s'avançant de manière à être entendu de l'officier russe, « Dites donc, lapin, depuis quand les Français se sont-ils rendus, ayant des armes à la main ? Avancez, nous vous attendons. » Aussitôt l'officier se retira. Ils se disposèrent à nous charger. Nous les attendîmes, et lorsqu'ils furent à 25 pas, la moitié de notre monde fit feu. Quelques hommes tombèrent. Alors, pensant que tous avaient tiré et que nous ne pourrions recharger nos armes, ils s'avancèrent de nouveau, en jetant des hurrahs. Mais ils furent reçus par une autre décharge, qui leur mit un plus grand nombre d'hommes hors de combat. Alors ils se sauvèrent, et nous pensions en être débarrassés, mais 5 minutes après, ils revinrent plus nombreux. Et au moment où plusieurs de chez nous se retiraient pour gagner le bois, n'ayant pas encore eu le temps de recharger nos armes, nous fûmes enfoncés à coups de lance et de sabre. Presque tous furent tués ou blessés. Je restai à terre, blessé, faisant le mort, et comme je me trouvais sur le bord du fossé, qui tient à la route, je me roulai dedans. Les paysans arrivèrent et se mirent à dépouiller les morts et les blessés, accompagnés par quelques cosaques, dont les chevaux avaient été tués. J'eus le bonheur de ne pas être vu. Et lorsqu'ils se furent retirés, je me levai avec peine et gagnai le bois que je traversais. Enfin me voilà heureux, mes amis, de vous avoir rencontrés, mais que vais-je devenir ? Nous vous conduirons, répondirent les soldats du train, et moi, reprit le frère sergent, je vous prêterai mon cheval. Malgré le sommeil qui m'accablait, je me disposais à partir, car comme je n'étais pas mort, il me fallait beaucoup de temps pour faire peu de chemin. Un jeune soldat du train me proposa de m'accompagner, si je voulais partir de suite. J'acceptai d'autant plus volontiers que ce jeune soldat qui n'avait pas eu de misère était fort et pourrait me secourir au besoin. Enfin, nous partîmes. Nous entrâmes dans un bois que la route traversait. Là, le soldat, qui n'était pas armé, voulut porter mon fusil. Je le lui cédai d'autant plus volontiers que dans l'état de faiblesse où je me trouvais, il pouvait mieux s'en servir que moi. Après avoir marché je ne sais combien de temps, soutenu par le bras de mon jeune compagnon, car souvent je dormais en marchant, nous arrivâmes à l'extrémité du bois. Il pouvait être 4 heures du matin, c'était le 16 décembre. Nous marchâmes encore au hasard pendant environ une demi-heure. Fort heureusement, la lune se leva. Mais avec elle arriva un grand vent et une neige si fine qu'elle nous coupait la figure et nous empêchait d'y voir. Je souffrais beaucoup de l'envie de dormir, et sans le secours du petit soldat du train qui me tenait toujours sous le bras, je serais infailliblement tombé en dormant. Mon compagnon de voyage me fit remarquer un grand corps de bâtiment qu'il apercevait devant nous. Je reconnus que c'était une station de poste comme celle que nous avions quittée, et je jugeai d'après cela que nous avions fait 3 lieues. Au bout d'un quart d'heure, nous arrivâmes près d'une des portes. En entrant, je me jetai près d'un feu, car il y en avait plusieurs abandonnés par des militaires, presque tous de la garde impériale, pour marcher sur Villebalène. Quelques canonniers aussi de la garde y étaient encore, mais il se disposait à partir. Il n'y avait pas 10 minutes que je dormais comme un bienheureux, que je me sentis fortement secoué par le bras. Je veux résister, mais l'on me soulève par les épaules. Enfin je m'éveille, et un cri se fait entendre, proféré par un vieux canonnier. « Les cosaques, levez-vous, mon garçon, encore un peu de courage !» J'aperçus 11 cosaques arrêtés et qui probablement n'attendaient que notre départ pour venir prendre nos places. « Allons, dit le canonnier, il faut céder la position et battre en retraite sur Villebalène. » Nous n'avons plus qu'une lieue, ainsi partons. Il fallut se remettre en route. Nous étions 6 quatre canonniers, le petit soldat du train et moi. Nous sortîmes de la grange. C'était le 16 décembre, 59e journée de marche, depuis notre départ de Moscou. Le vent était impétueux et le froid excessif. Tout à coup, malgré ce que mon camarade put faire pour me soutenir, je m'affaissais, accablé par le sommeil et par la fatigue. Il fallut les efforts de deux canonniers et de mon compagnon pour me mettre debout. Quoique sur mes jambes je dormais toujours, mais un canonnier, m'ayant frotté la figure avec de la neige, je m'éveillais. Ensuite, il me fit avaler un peu d'eau-de-vie. Cela me remit un peu. Ils me prirent chacun par un bras et me firent marcher de la sorte, beaucoup plus vite que je n'aurais pu marcher seul. C'est de cette manière que j'arrivais à Villebalen. En entrant, nous apprîmes que le roi Murat y était avec tous les débris de la garde impériale. Malgré le grand froid, l'on voyait assez de mouvements dans la ville, de la part des militaires dans l'espoir d'acheter aux Juifs, assez nombreux dans cet endroit, du pain et de l'eau-de-vie. On voyait aussi à la porte de chaque maison une sentinelle, et lorsqu'un arrivant se présentait pour entrer, on lui répondait qu'il y avait un général logé, ou un colonel, ou qu'il n'y avait plus de place. D'autres nous disaient « Cherchez votre régiment ». Les canonniers trouvèrent des camarades de leur régiment et s'enfuirent avec eux. Je commençais à me désespérer lorsqu'un paysan me dit que dans la première rue à gauche, il y avait peu de monde. Nous y fûmes, mais toujours des sentinelles à toutes les portes et partout la même réponse. Effectivement, je voyais dans les maisons les hommes entassés les uns sur les autres. Cependant, nous ne pouvions rester plus longtemps dans la rue sans nous exposer à mourir de froid. Il me serait difficile d'exprimer combien, ce jour-là, j'ai souffert du froid et davantage encore de chagrin, en me voyant repoussé partout où je me présentais, et cela par des camarades. Enfin, je m'adresse à un grenadier qui me dit que partout il y a du monde, mais aussi de la mauvaise volonté, de l'égoïsme, et qu'il ne faut pas faire attention aux maisons où il y a des sentinelles, qu'il faut y entrer, car je vois, continua-t-il, que vous êtes dans une triste position. Faisant signe à mon camarade de me suivre, je me dirige vers la première maison qui se présente pour y entrer. Un vieux grognard barre le passage avec son fusil en me disant que c'est le logement du colonel et qu'il n'y a plus de place. Je lui réponds que quand bien même ce serait le logement de l'empereur, il m'en fallait deux, et que j'entrerais. Dans ce moment, j'aperçus un autre grenadier occupé à attacher sur sa capote une paire d'épaulettes d'officier supérieur. À ma grande surprise, je reconnais Picard, mon vieux compagnon, que je n'avais pas vu depuis Vilna, depuis le 9 décembre. Aussitôt, je dis au grenadier « Dites au colonel Picard que le sergent Bourgogne lui demande une place. »« Vous vous trompez, » me répondit-il. Mais sans l'écouter, je force la consigne. Le soldat du train me suit et nous entrons. À peine Picard m'a-t-il reconnu qu'il jette ses grosses épaulettes sur la paille en s'écriant « Jour de Dieu, c'est mon pays, c'est mon sergent. Comment se fait-il, mon pays, que vous arrivez seulement ? Vous avez donc encore fait l'arrière-garde ?» Sans lui répondre, je m'étais laissé tomber sur la paille, épuisé de fatigue, de sommeil et d'inanition, et aussi suffoqué par la chaleur d'un grand poêle. Picard courut à son sac, en tira une bouteille où il y avait de l'eau-de-vie, et me força d'en prendre quelques gouttes qui me ranimèrent un peu. Ensuite, je le priai de me laisser reposer. Il pouvait être 8 heures du matin, il en était 2 de l'après-midi lorsque je m'éveillais. Picard mit entre mes jambes un petit plat de terre contenant de la soupe au riz que je mangeais avec plaisir, et en regardant à droite et à gauche, car je cherchais à me reconnaître. À la fin, tout se débrouilla dans mes idées, de manière à me rappeler ce qui m'était arrivé depuis 24 heures. Dans mes réflexions, lorsque Picard m'en tira pour me conter ce qui lui était arrivé depuis que nous nous étions séparés à Vilna, après avoir chassé les Russes qui s'étaient présentés sur les hauteurs de Vilna, on nous fit revenir sur la place. De là, on nous conduisit au faubourg situé sur la route de Kovno, pour être de garde chez le roi Murat, qui venait de quitter la ville. Là, je vous cherchais, pensant que vous aviez suivi, et je fus étonné de ne plus vous voir. À minuit, on nous fait partir pour Kovno, accompagnant le roi Murat et le prince Eugène, qui aussi étaient logés au faubourg, mais arrivés au pied de la montagne, et ne nous a pas été possible de la traverser, à cause de la quantité de neige et du nombre de voitures et de caissons sur la route qui la traversaient. Lorsqu'il fit un peu jour, le roi et le prince parvinrent à continuer leur chemin en tournant la montagne, mais tant qu'à moi et quelques autres, comme nous n'avions pas de chevaux, nous nous engageâmes par le chemin. Bien nous en prit, car nous eûmes l'occasion de monter les premiers à la roue et de faire quelques pièces de 5 francs. À votre service, entendez-vous, mon pays ? Picard continua à me faire un détail de sa marche, jusqu'au moment où le hasard me le fit rencontrer. Alors je lui dis que c'était toujours un bonheur pour moi chaque fois que je le rencontrais, mais que cette fois, j'étais plus heureux encore puisque je le retrouvais colonel. Il se met à rire en me disant que c'était une ruse de guerre, dont plus d'une fois il s'était servi pour conserver un beau logement, que depuis hier il s'était fait colonel et était reconnu pour tel par ceux qui étaient avec lui, puisqu'il lui rendait les honneurs. Picard me dit qu'à 3 heures il devait y avoir une revue du roi Murat, où l'on devait donner des ordres pour indiquer les endroits où les débris des différents corps devaient se réunir. Je me disposais à y aller afin d'y rencontrer mes camarades. Picard me fit la barbe, qui n'avait pas été faite depuis notre départ de Moscou, avec un mauvais rasoir que nous avions trouvé dans le porte-manteau du Cosaque tué le 23 novembre. Et quoiqu'il le repassât sur le fourreau de son sabre et ensuite sur sa main pour lui donner le fil, il ne m'en écorcha pas moins la figure. L'heure venue, nous sortîmes de notre logement pour aller au rendez-vous. L'appel devait se faire dans une grande rue. Les militaires, de toute arme, s'y rendaient. Plusieurs des vieux de la garde avaient poussé l'ambition, et cela pour se faire remarquer, jusqu'à s'arranger comme pour un jour de grande parade. En les voyant, l'on aurait pensé qu'ils arrivaient plutôt de Paris que de Moscou. Au lieu du rendez-vous, j'eus le bonheur de rencontrer tous ceux avec qui j'étais le jour d'avant, aussi que bien d'autres que je n'avais pas vu depuis Vilna. Mais nous étions peu nombreux. Grangier me dit, « J'espère que tu ne nous quitteras pas. Tu vas venir à notre logement, et comme l'on est autorisé à prendre des traîneaux ou des voitures pour se faire conduire, nous tâcherons d'en trouver. » Nous restâmes assez longtemps dans la rue en attendant le roi Murat. Pendant ce temps, on était surpris de rencontrer des amis, de retrouver vivant ce que l'on pensait mort. J'eus le plaisir de rencontrer le sergent Humblot, avec qui j'avais voyagé la veille, et dont j'avais été séparé dans les bois, au moment du hurrah. J'appris aussi que les cantinières Marie et la mère Gâteau étaient arrivées à bon port. Le roi Murat, ne venant pas, l'on prit les noms des hommes incapables de marcher, afin de les faire partir le lendemain à 6 heures du matin avec des traîneaux que les autorités fournissaient. Nos camarades s'occupèrent d'en chercher, mais ils leur furent impossible d'en trouver. Il fallut s'en consoler en se disposant à passer une bonne nuit afin de pouvoir marcher le jour suivant. Picard m'avait dit qu'il voulait me parler avant de nous séparer. À peine l'ordre du départ fut-il donné que je sentis une grosse tape sur l'épaule, c'était lui. Il me fit signe, ainsi qu'à Grangier, de le suivre. Et lorsque nous fûmes éloignés de manière à ce que personne ne pût nous entendre, il me dit, « Vous allez me faire l'amitié d'accepter un bon coup de vin blanc, vin du Rhin. »« Pas possible, » m'écriai-je. Pour toute réponse, il nous dit, « Suivez-moi. » Chemin faisant, il nous conta que la veille, il avait rencontré un juif avec qui il avait fait connaissance, et cela pour lui vendre des objets dont il voulait se défaire, ses épaulettes de colonel et autre chose encore, mais qu'il n'avait pas manqué, comme cela lui arrivait souvent, de se faire passer pour juif, en disant que sa mère était fille du rabbin de Strasbourg et qu'il se nommait Salomon. Enchanté et aussi dans l'espoir de faire un bon marché, l'autre lui avait indiqué sa demeure, en l'assurant qu'il lui procurerait du bon vin du Rhin.